Bonjour. C'est à la demande générale que j'ai accepté de venir m'exprimer de nouveau à cette tribune pour m'entretenir avec vous de ce sujet fort choquant et apeurant du convoi de la honte qui est maintenant devenu le siège de nos institutions démocratiques, le siège de la honte. C'est par altruisme que je me manifeste de nouveau ici, car comme vous le savez peut-être, notre société compte plus de 50% d'analphabètes et nous ne pouvons décemment pas accepter qu'une horde issue d'une légère majorité telle que des camionneurs d'extrême droite fondamentalistes chrétiens trumpistes viennent nous imposer leur agenda rétrograde et antidémocratique qu'ils véhiculent par ce siège de la honte. Ces gens sont visiblement dans l'incapacité de réfléchir d'une façon cohérente. Ils sont clairement sous l'emprise de basses passions. Or, moi, Denise Bombardier, j'ai toujours mis la raison devant la passion. Une passion de et pour la raison. Raison de passion, dit l'expression consacrée par moi. Donc, en ce sens, moi, Denise Bombardier, j'affirme du haut du phare des lumières de la raison que nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps l'affligeant spectacle de la haine et du mépris des lois que nous impose ce convoi de la honte qui fait maintenant le siège de nos institutions démocratiques. Cette horde sauvage de prolétaires analphabètes, d'extrême droite machiste, haineux fondamentaliste chrétien pro-Trump et victime du populisme nous insulte et sème la haine. Cette horde, elle revendique le droit de tuer ses semblables. Nous devons la disperser pour la protéger d'elle-même. Car en faisant ce siège de nos institutions démocratiques, elle met en danger ses propres droits. Nous devons leur déclarer la guerre pour les protéger d'eux-mêmes. C'est pourquoi, moi, Denise Bombardier, femme de lettres, essayiste et idéologue, j'en suis venue à faire appel à la GRC et Justin Trudeau. Eh bien maintenant, je constate que l'armée doit intervenir. Si j'ai accepté d'être chroniqueuse au Journal de Montréal, c'est par altruisme, parce qu'il va de soi que dans une société démocratique, le plus grand nombre doit avoir accès aux lumières de la raison. Mais malheureusement, je ne peux pas, comme le soleil, simplement daigner jeter l'éclat de mes rayons sur tout un chacun. Encore faut-il que les gens visés ne se montrent pas imperméables à cette lumière, par mauvaise foi ou par incapacité, ce qui revient au même, si vous voulez mon avis, que je vous donnerai de toute façon. C'est pourquoi, moi, Denise Bombardier, j'en appelle à l'armée pour sauver nos droits, nos institutions démocratiques, en dispersant cette horde de fascistes, machistes, misogynes, prolétaires sans instruction, fondamentalistes, chrétiens, racistes, pro-Trump et anti-vax, qui nous insultent et sèment la haine, pour garantir leurs droits et les protéger d'eux-mêmes, en leur déclarant la guerre, car ils revendiquent le droit de se tuer et de tuer leurs semblables. C'était Denise Bombardier. Merci.